Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire et comme tous les premiers vendredis de chaque mois, une table ronde fiction avec Séverine Yatard, Isabelle Landonna, Caroline Douki et Pascal Horry. Au programme de cette table ronde fiction, un film très attendu, Black Landsman, le dernier film de Spike Lee qui raconte une opération d'infiltration dans le Ku Klux Klan des années 70. Et deux romans de la rentrée, Le cœur converti de Stephen Hartmans chez Gallimard qui nous raconte la fuite de deux amants dans la France, mais également dans le Royaume de France, mais également dans tout le bassin méditerranéen du XIe siècle. Et Le monarque des ombres de Javier Cercas chez Actes Sud qui revient dans cette enquête, récit, roman, on ne sait comment l'appeler, sur la guerre d'Espagne qu'il retrouve bien des années après les soldats de Salamine. Et pour finir, comme chaque vendredi dans la Fabrique de l'Histoire, eh bien notre rubrique c'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Aujourd'hui, la sortie en France du Dictateur de Charlie Chaplin. Bonjour Séverine Yatard. Bonjour. Bonjour Pascal Horry. Bonjour Emmanuel. Bonjour Isabelle Landonna. Tout le monde se met bien droit, c'est la rentrée. Et bonjour à vous Caroline Douki. Bonjour à tous. Et nous allons commencer par tout de suite eh bien, un roman. Shema, un chant traditionnel juif du Caire en Égypte par Aidan Irlander et Ziavat Avat Olam pour évoquer le premier roman de notre sélection de ce mois, le roman de Stephen Hartmans, Le cœur converti, sorti dans la collection du monde entier chez Gallimard. Vous nous le présentez, Séverine Yatard. Un roman qui nous mène de Rouen à Narbonne, à Monieux, donc village des Hautes-Provence, à la synagogue, justement, du Caire. Alors, Stéphane Hartmans, on en avait parlé lorsqu'on avait abordé le livre, ce livre Guerre et Térébenthine, donc où il partait à la quête de l'histoire de son grand-père pendant la guerre, notamment de 14-18. Alors, ici, Stéphane Hartmans apprend que le village, donc Monieux, où il passe ses vacances, où il a une maison, donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce village, donc, est assez escarpé, isolé, a été le théâtre d'un pogrom. Il y a 1000 ans, et qu'un trésor y serait peut-être caché. Il apprend aussi une lettre de recommandation découverte, donc dans une synagogue du Caire, qui dévoile. Hein, donc il y a l'aspect historien, puisqu'il a pris connaissance de documents d'archives. Donc il dévoile la vie de Vigdis Adélaïs, jeune Normande convertie au judaïsme par amour, pas pour David. David qui n'est autre que le fils du grand rabbin de Narbonne, Richard Todros. Narbonne qui à l'époque il y a une grande communauté juive, enfin à peu près un cinquième de la population. Et donc c'est cette histoire que Stéphane Hartmans part à la quête, hein, sur les pas d'Adélaïs devenue Amoutal, et une histoire donc qui commence à la naissance, hein, d'Adélaïs en 1070. Donc une quête historique et puis littéraire pour essayer de traduire et même de donner chair finalement à ce personnage et finalement en même temps nous donnant tous les dessous de son enquête, hein, la fabrique finalement de cette histoire à la fois historique et aussi de l'écriture littéraire. De sa traduction romanesque. Voilà, tout à fait. Et cette vie donc d'Amoutal devient une fuite perpétuelle, un exil. Donc c'est aussi cette problématique-là, évidemment, qu'il veut aborder dans ce roman. Donc de Rouen, comme je le disais, à Narbonne, à Monieux, au Caire, puis de nouveau à Narbonne, puis la boucle est bouclée, à Monieux. Une histoire aussi du Moyen-Âge, hein, qu'il retrace, sur fond d'histoire, évidemment, de la communauté juive et de toutes les exactions qu'elle va subir en cette période où débute la reconquête chrétienne, hein, lancée par Urbain II. Voilà. Alors, donc on a vraiment encore cette problématique, on le verra aussi avec Cercas, de l'écrivain qui se fait historien, mais sans évidemment être un historien professionnel, mais en tous les cas, qui voilà, essaye de tisser toujours les fils de la fiction et de l'histoire. De l'histoire. Alors, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau une médiéviste. Liste, oui. Non, c'est elle qui va avoir le regard acéré du médiéviste pour pointer peut-être les anachronismes de ce roman de Stefan Hartmans, donc traduit du néerlandais par Isabelle Rosna chez Gallimard, Le cœur converti, Isabelle Le Landonnard. Alors, je ne sais pas si je vais pointer les anachronismes. D'abord, je voudrais dire que l'histoire est assez intéressante de cette passion amoureuse nouée à Rouen, près de la synagogue, entre cette descendante de Normand, Invictus Adélaïs, et le fils du rabbin que Séverine évoquait à l'instant. Alors, je pense que ce livre est assez bien fait du point de vue de sa documentation historique, même si évidemment l'auteur part d'un document qui est tout à fait fascinant, dont on découvre d'ailleurs l'allure physique aux pages 203, 204, 205, qui est donc un document de la Guénisa du Caire. Alors pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, la Guénisa, c'est toutes les synagogues avaient une Guénisa, c'est-à-dire une sorte de dépôt dans lequel on jetait des actes dans lequel se trouvait ou des, un des ou noms des objets divins. Ou des voilà. Objets sur lesquels le nom de Dieu, un des sept noms de Dieu était inscrit. Bon, donc on ne pouvait pas les détruire. Et la Guénisa du Caire, c'est un trésor immense, un puits de documents pour les historiens qui a été découvert au 19e siècle. Mais toujours pas d'ailleurs entièrement exploré, pourrait-on dire, parce qu'il y a tellement de documents. 200 000 documents. Et donc il y en a 140 000 à Cambridge, et ce document qui sert de trame en réalité initiale à l'histoire, même s'il prend la question du côté de son village, de Monlieu, est absolument fondamental. Donc, il transcrit le document assez loin dans le roman, mais il dit très tôt que finalement il y a cette trace d'une histoire improbable. D'une histoire improbable, c'est-à-dire une passion entre une chrétienne et un juif. Toute jeune chrétienne, puisque descend de deux générations des Normands qui viennent d'arriver à Rouen. Et donc, il décide de fuir. Et en réalité reçoivent la protection de la famille qui est de la famille du rabbin, qui est donc d'une très grande tolérance et qui nous montre, par parenthèse, une chose qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que au XIe siècle comme plus tard encore, on peut se convertir au judaïsme, sans trop de difficultés, si je puis dire, hein, alors qu'évidemment l'inverse n'est pas possible dans la société chrétienne. Donc il y a cette affaire de documentation qui est très riche et débouche sur un problème qu'on connaît bien pour le XIIIe siècle et manifestement un peu moins bien en termes de documentation historique, mais la preuve, ça existe, hein, de mariage mixte en réalité, au départ, qui entraîne évidemment la conversion d'un des deux. Et ce que je voudrais dire, hein, c'est que cette question des mariages mixtes, sans le côté forcément dramatique de cette histoire, est évoquée dès le XIIIe siècle dans la documentation canonique, et même un peu avant. Hein, donc on parle tout à fait des mariages mixtes, ça existe, et évidemment les canonistes se prononcent sur le sujet. Puis il y a une deuxième histoire, si je puis dire, qui est l'histoire de la fuite. Hein, donc Séverine l'évoquait à l'instant. Et là, c'est l'occasion pour l'auteur de reconstituer ce qu'étaient les voyages, plus ou moins contraints. Et l'univers sensible. Comment ? Et l'univers sensible, absolument. Et je trouve que de ce point de vue-là, le livre est assez réussi et prend un souffle vraiment à partir de la deuxième moitié du roman. Parce que les aventures de cette femme me semblent, non pas vraisemblables, mais le climat dans lequel elle vit me semble tout à fait vraisemblable. Pascal Horry, pour commencer, donc votre regard sur ce roman de Stefan Hartmans chez Gallimard, Le cœur converti, traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin. Oui, effectivement, intitulé roman, ce qui est quand même très important, puisque l'auteur, à partir d'une documentation très précise, et c'est très émouvant de trouver le document dont il nous a parlé sans qu'on l'ait vu, au milieu, précisément, page 204 du roman, se comporte vraiment comme un historien, d'autant plus qu'il est aidé par un érudit, Norman Golb, avec lequel il va discuter comme un vrai érudit qui teste plusieurs hypothèses, parce qu'après tout, il y a une discussion sur le fait que ça soit vraiment produit à Monlieu ou dans une autre localité. Une autre localité qui serait en Espagne, etc. Et il accompagne une démarche d'historien, et en même temps, effectivement, moi, je suis sensible à l'expression sensible, pour donner un exemple, à plusieurs reprises, et dès le début, il entre il entre dans l'histoire en disant « je ». Hein, ça, c'est parce qu'il pourrait avoir plusieurs postures. Mais là, du style « dans la fumée des foyers allumés pour brûler les ordures, je sens de l'encens et de la myrrhe ». Mais c'est l'auteur d'aujourd'hui qui nous le dit. « Le feu du monde ancien, j'éprouve la curieuse envie de traîner ici », etc. Et c'est ça, à mon avis, le charme du livre. C'est effectivement que c'est un, comme on peut le dire, un très beau roman. Par ailleurs, ça semble être assez rigoureux, autant qu'on puisse l'être, à partir d'un document plein de lacunes, etc. Ah oui, qui est un document extrêmement court et qui, d'une certaine façon, ne dit pas grand-chose. Il dit simplement qu'une personne est arrivée au Caire venant de l'Europe occidentale et que cette personne était une femme convertie. Et c'est à peu près tout ce que dit ce document. En fait, c'est un voyage, c'est un double voyage. C'est-à-dire, il y a le voyage du couple qu'il raconte, mais en réalité, ce qu'il faut peut-être dire pour éclairer nos auditeurs, c'est que Hertmans fait le voyage lui-même à mesure qu'il avance, et évidemment dans des conditions du XXIe siècle, mais il arrive à imaginer quand même... Quand il arrive à Marseille, il se dit comment je vais faire pour aller à Alexandrie. Il n'y a pas de ferry. Et du coup, on peut considérer qu'il y a un œuvre de Stefan Hertmans, puisque le livre dont vous avez parlé il y a quelque temps, La guerre et Térébenthine, se fondait aussi sur un rapport avec une archive qui était de surcroît une archive familiale. Moi, je suis d'ailleurs très frappé d'une information qui est à l'extrême fin du roman. Monnieux, septembre 1994, juillet 2016, c'est-à-dire qu'il a écrit ce livre en 22 ans. C'est donc 22 ans de sa vie aussi. Oui, Caroline Douki, qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman de Stefan Hertmans, Le cœur converti chez Gallimard ? J'y pensais des choses tout à fait équivalentes à celles qui viennent d'être dites. C'est un roman très beau et indépendamment de la reconstitution de la société médiévale du XIe siècle dont Isabelle Hulandona nous a dit qu'elle était très bien faite, cet écrivain déploie dans le livre un rapport très singulier au passé que moi j'ai trouvé comme vous tous, très particulièrement suggestif et qui montre que la littérature peut vraiment apporter d'irremplaçables à l'histoire. Parce que si, on le verra tout à l'heure, Cercas se pose avant tout des questions morales sur le passé de l'Espagne, Stefan Hertmans, lui, il aborde l'histoire, les traces du passé, les significations du passé, à travers une interrogation qui n'est jamais morale, mais qui est une interrogation poétique. C'est-à-dire qu'il cherche à retrouver le passé par la contemplation poétique du paysage, des choses. À un moment, il emploie cette très belle expression, il dit « je suis la diaspora », je suis, c'est-à-dire du verbe suivre, la diaspora des choses. Et donc c'est en décrivant la topographie des villes, les paysages de la Normandie, de la Provence, de la vallée du Rhône, en évoquant aussi les usages séculaires des plantes, le thym, le romarin, la lavande, qui étaient des plantes médicinales et qui le sont encore d'ailleurs. Il évoque aussi il suit les relations de compagnonnage ou de violence entre les hommes et les animaux, l'âne, les animaux domestiques, l'âne, le cheval, le gibier et les animaux sauvages, l'ours, le loup dont il nous dit qu'il a fait sa réapparition dans le Mont Ventoux ces dernières années, alors qu'il l'évoque aussi au Moyen-Âge. C'est comme ça qu'il suggère des continuités, des discontinuités entre le passé le plus reculé, parce qu'il parle très souvent de l'Antiquité, notamment lorsqu'il évoque les routes dans le sud de la France, et le présent. Et en fait, il procède à une forme d'archéologie poétique qu'on peut peut-être comprendre lorsque il évoque le passage possible de la Seine par les deux fuyards dans la banlieue de Rouen. Et il essaie de reconstituer ce qui se passe, sauf qu'il se trouve dans la banlieue de Rouen aujourd'hui. Et il dit « L'eau ici est peu profonde. Ont-ils pu traverser facilement la Seine ? Cela paraît insensé. » Mais j'ai envie de voir le paysage de mes propres yeux, de m'imprégner des détails, des panoramas possibles. Je veux découvrir ce qui peut encore être visible après un millénaire. Presque rien, en fait. Je peux à peine concevoir la façon dont s'est déroulé leur trajet, même si des sources historiques m'y aident. Il ne me reste qu'à rayer, retirer, réduire à son essence. Pas de pont, pas d'autoroute, pas de construction, pas de berge empierrée, pas de bruit non plus, pratiquement aucune présence humaine. À tout retirer prudemment, comme un archéologue, pour buter contre des terres sauvages. Un tout encore sauvage et vide, etc. Donc, en fait, il gomme avec son regard tout ce que la civilisation moderne, puis contemporaine, puis la civilisation d'aujourd'hui a ajouté, occulté, et il décape le paysage et en fait, ce qu'il nous donne à voir, c'est presque rien. Il dit j'enlève tout, mais en fait, dans ce vide, il y a un rapport au passé, qui est un rapport poétique et qui rend très tangible les temporalités historiques. Et l'épopée de ces amants qui courent l'Europe, justement, pendant un certain temps. Isabelle Landonneur. Pour prolonger ce que vient de dire Caroline sur cette archéologie que l'auteur fait, c'est aussi une archéologie au sens pratique, véritable du terme et premier, puisque à la fin du livre, il retrouve Le mikvé dans lequel ce qu'il pense être le mikvé donc le bain rituel dans lequel Amoutal, la jeune convertie, avait été plongée probablement comme ses enfants, etc. Donc il y a aussi, et nous avons à la page 366 une photo de ce qu'il pense être le mikvé. Donc c'est à la fois une archéologie dans le sens que Caroline vient de dire, parce que c'est tout à fait juste, je crois, mais aussi une archéologie véritable parce qu'il erre dans des endroits de ce village où on dit il y a peut-être un trésor, il y a peut-être quelque chose, etc. Et où il cherche la présence de la communauté juive qui a été exterminée dans les années 1000. À la fin des années 1090. Et puis des fois, il l'éprouve vraiment, puisqu'il va visiter par exemple la synagogue de Rouen, enfin ce qu'il en reste, ce qui a été découvert à la fin des années 70. La maison sublime avec une guide spécialiste du lieu. Donc là, il a décapé, mais il a quand même la visibilité de certaines choses matérielles, des traces. Ce qui fait la différence avec un historien, c'est que évidemment, il raconte son expérience aussi, parce qu'à la limite, un historien pourrait faire exactement tout ce qu'il a fait, mais ne le raconterait pas de la même manière. Et il invente l'expérience sensible de Amoutal, parce qu'il arrive à nous décrire ses sentiments, ses peurs, les violences qu'elle a vécues. Enfin voilà, ça, c'est, il l'imagine. Oui, Pascal Horry, on se souvient aussi dans ce roman de cette plongée dans la crypte de Clermont-Ferrand, donc là où effectivement c'est recueilli sûrement Urbain II au moment du lancement de la croisade, mais aussi son héroïne lorsqu'elle fait son trajet à travers la France de l'époque pour rejoindre un lieu plus sûr que celui qu'elle vient de quitter. Oui, on pense presque à Jules Michelet, parce qu'il y a une sorte de convergence entre une démarche d'historien, en particulier romantique, de résurrection, et puis ce travail de romancier au sens strict, d'autant plus qu'il a pris comme objet une superposition d'anéantissement, l'anéantissement des communautés juives, l'anéantissement de cette ville que j'ai découvert de Fustat en Égypte, qui a été une grande capitale égyptienne et puis qui a été rayée de la carte, etc. Et tout ça grâce à ce qu'il appelle l'empathie créatrice. C'est très beau. Alors j'ajoute un dernier point. Il y a évidemment une lecture politique possible et contemporaine de ce livre, ça va de soi, et en particulier les pages 174-175 que je signale aux auditeurs, qui me permettent de comprendre une forme de populisme et d'intolérance, d'ailleurs affrontée, en particulier avec cette manière que les gens du peuple et leurs prêtres choisissent une cible plus facile pour exprimer leur mécontentement que celle des grands féodaux, les juifs qui se sont enrichis, etc., coiffés de vieilles marmites et de poêlons dans une lamentable tentative d'imiter les chevaliers en armure, ils se regroupent avec pour seules armes leur fléau, leur fourche à purin et leur couteau émoussé, et on sent très bien évidemment l'instrumentalisation du peuple à toutes les époques. Voilà, ça s'appelle Le cœur converti, c'est un roman de Stéphane Hertmans qui vient tout juste de sortir aux éditions Gallimard dans la collection du monde entier. Défendre le peuple d'Espagne, c'est défendre la paix de France et d'Occident, la paix du monde. À la défense de la paix, à la défense des démocraties, soutenons ceux qui se sacrifient pour la défense de notre cause commune, pour la justice sociale et la liberté. Donnons pour les femmes, les enfants, les blessés, aidons les combattants d'Espagne. Ils sont nos frères et notre avant-garde. Peuple du monde, vous n'êtes qu'un peuple contre l'oppression. Unissez-vous. Une contradiction donc entre ce que l'on entend au fond de cette archive de Romain Rolland sur le discours pour la liberté contre les fascismes, puisque nous entendons la Marcha Real, l'hymne national sous Franco, et c'est le propre même, pourrait-on dire, de ce roman, car c'est un roman, d'après Javier Cercas, traduit de l'espagnol par Alexander Glujicic, avec la collaboration de Karine Louédon chez Actes Sud, Le Monarque des Ombres. Alors on connaît Javier Cercas pour les nombreux romans, les nombreux récits qu'il a pu faire justement en lien avec le travail historique. On se souviendra en 2002 des soldats de Salamine, mais aussi d'Anatomie d'un instant, dont nous avions parlé ici même sur le coup d'état du colonel Terrero en Espagne. C'était chez Actes Sud en 2000, mais également de L'Imposteur, qui avait été aussi un des sujets d'une table ronde fiction racontant cet Espagnol qui s'était fait passer pour un déporté de Mauthausen, c'était en 2015, et donc maintenant, donc Le Monarque des Ombres, et qui est une sorte de fermeture de parenthèse, puisque nous revenons sur le premier sujet du premier roman de Javier Cercas, à savoir la guerre d'Espagne. Il mettait en scène là des républicains espagnols, et il met en scène maintenant un franquiste qui appartient à sa propre famille, et ces franquistes, effectivement, il essaye de mener une enquête sur la réalité de ce qu'il a fait, de sa présence pendant la guerre d'Espagne. Était-il franquiste d'ailleurs, ou plutôt falangiste? C'est la question qu'il se pose. Il s'appelait Manuel Mena et il est mort à 19 ans en 1938 pendant cette guerre d'Espagne. Et il le veut absolument essayer de comprendre quel a été son rôle, alors que c'était un jeune garçon à l'époque. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Pascal Horry? Moi, je me suis retrouvé devant un Cercas classique. On est vraiment dans la continuité, y compris dans la technique narrative, puisque il se met en scène, il assume la dimension autobiographique et il affirme être une sorte d'enquêteur. Il va jusqu'à écrire, bon, non sans second degré, page 81, un littérateur pourrait répondre à ces questions, car les littérateurs peuvent affabuler, mais pas moi. L'affabulation m'est interdite. Bon, je pense quand même qu'il y a un. Et il le répète plusieurs fois d'ailleurs. Il le répète plusieurs fois, donc c'est inquiétant qu'il le répète plusieurs fois. Non, mais c'est pas du tout inquiétant. C'est Cercas. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que c'est d'abord un livre sur sa mère. On s'en rend pas à sa mère. On s'en rend compte à la fin. C'est tout sur ma mère. Oui, effectivement. Bon, par ailleurs, c'est effectivement ce regard complexe et à mon avis complexifiant et d'ailleurs très intéressant sur l'histoire politique, pas simplement à travers la guerre civile qui est un cas extrême de l'Espagne. C'est-à-dire que Cercas est évidemment partagé, mais au fond comme tant d'Espagnols, parce que il suffit de discuter avec des familles espagnoles pour comprendre que bon, on ne s'en remet pas d'une guerre civile de cette violence. Et je vous donne un exemple en ce qui concerne justement la distinction qui revient sans arrêt. Franquiste ou plutôt falangiste. On peut se dire, mais pourquoi? Mais oui, mais c'est pour lui très important. Et à mon avis, c'est justifié. Parce que Franco, pour simplifier dans la continuité, je dirais, d'un Pétain ou d'un Horthy, et il réunit sous sa férule, en particulier des vrais fascistes. Donc effectivement, l'hypothèse, qui n'est pas forcément tellement développée à la limite dans le livre, mais enfin qui sert de d'année fil rouge à l'auteur, c'est de dire ce jeune là qui est quand même mon grand-oncle et qui est un jeune mort éternellement jeune, 19 ans, c'était quand même plutôt un phalangiste. D'où d'ailleurs ce qui est quand même intéressant pour les lecteurs aujourd'hui, surtout non espagnols mais même espagnols, par exemple d'entendre la voix de José Antonio, le leader fasciste. Voilà une citation, et Cercas l'a choisi exprès pour troubler son lecteur, y compris espagnol. Une citation de José Antonio, début 36. « Le grand devoir de notre génération consiste à démanteler le système capitaliste dont les dernières conséquences néfastes sont l'accumulation de capital par les grandes entreprises et la prolétarisation des masses. » Quand vous arrêtez là, vous dites « Ah ben c'est un anarchiste ou un communiste. » D'où l'intérêt de faire la distinction entre phalangiste et franquiste. Mais l'intérêt pour Cercas, c'est aussi, on le sent bien dès le départ, il y a ce héros dans la famille, mais c'est une honte. Parce que lui, Cercas, qu'est-ce qu'il fait depuis 8 ans? Pour Cercas. Lui, sa quête à lui, elle est « je veux savoir qui est cet oncle », parce que éventuellement, ce personnage à qui il va donner chair peut aller à l'encontre finalement peut-être de la figure traditionnelle justement du soldat phalangiste qui par conviction a fait la guerre, parce que finalement, il y a comme une rédemption à la recherche aussi d'une rédemption, effectivement, oui, de sa part vis-à-vis de ce grand-oncle tôt disparu et surtout qui est resté dans la mémoire de sa propre mère, la mère de Javier Cercas, comme étant un personnage lumineux Et évidemment, ce monarque des ombres, c'est aussi un monarque des ombres. Il y a une très belle analogie, pourrait-on dire, avec l'Iliade et avec l'Odyssée, qui est présente dans ce roman de Javier Cercas. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Caroline Douki, de ce monarque des ombres? D'abord, je me suis longuement demandé, mais qui est le monarque des ombres? Au début, qui est le titre? Au début, ça, je pensais que ça désignait ce jeune homme engagé volontairement dans la phalange, dont le roman allait reconstituer la vie très courte et fulgurante. Et en fait, très vite, j'ai eu le sentiment que le monarque des ombres, c'est beaucoup plus le narrateur, auteur. En fait, le personnage principal du livre, c'est pas le grand-oncle. D'ailleurs, ça me semble être... C'est le narrateur-auteur, et c'est le personnage le plus intéressant de ce livre. Tout à l'heure, Pascal Horry disait c'est un livre sur sa mère, quelqu'un disait c'est un livre sur son oncle. Moi, je crois que c'est surtout un livre sur lui, c'est-à-dire comment... Un de plus. Voilà, c'est un livre sur lui. En même temps, quand on parle comment, de sa mère, voilà, comment peut-on comment peut-on être soi aujourd'hui dans l'Espagne contemporaine avec une telle famille, parce que des fantômes dont il a honte dans sa famille, ou dont il dénie d'ailleurs qu'il pourrait avoir honte, il y a le grand-oncle, il y a la mère qui était la gardienne énamourée quasiment de ce grand-oncle qu'elle a toujours considéré comme quelqu'un d'héroïque. Mais il y a aussi le grand-père qui lui aussi s'est engagé, et dès 1936 dans les armées franquistes, etc. Donc ça doit être difficile aujourd'hui. En fait, il nous introduit ce livre dans la quête très difficile de l'auteur-narrateur, et il nous introduit, je crois, non pas dans l'histoire, même s'il il essaie toujours de mettre en scène son propre travail d'historien, comme des historiens, où il a un rapport d'ailleurs un peu naïf à la vérité des historiens. À un moment donné, il parle de la zone transparente de l'histoire. Non, l'histoire n'est pas transparente. Mais en fait, ce qui est intéressant vraiment, c'est qu'il nous introduit en fait dans l'atelier de la mémoire, de sa mémoire individuelle, de la mémoire familiale, parce qu'il met tout le monde à contribution. Ça doit être pénible pour sa famille quand il écrit un Et ses amis. Voilà, il met tout David le monde à les voisins, les amis, la famille. Il rameute tout le monde. La mère, les cousins. L'interview du pauvre tondeur, c'est un peu pénible. Il leur pose des questions, il leur impose un peu sa lecture de l'histoire, qui est un peu déformante parfois, notamment quand même Javier Cercas, il croit encore à l'unanimisme villageois. Il nous dit qu'avant la Deuxième République, au village, tout le monde était égal, tous les paysans étaient égaux, etc. Il décrit aussi une sorte de hiérarchie, interne à ces villages, avec ceux qui ont un peu plus d'argent que d'autres. Il y a quand même une représentation un petit peu idéalisée du village, où c'est la Seconde République qui aurait apporté la politique, la politisation. Il dit quand même que le village, c'est le Moyen-Âge. Voilà. C'est pas très positif, Moyen-Âge. Non, mais dans sa bouche, c'est pas positif. Et en faisant cela, et c'est là que le livre est très intéressant en fait pour des historiens ou pour des lecteurs d'aujourd'hui, c'est que il nous montre la contribution des romanciers dont il est au travail incessant lancinant de la mémoire. Et Isabelle Hollande, à propos de ce monarque des ombres de Javier Cercas, pour prolonger ce que disait Pascal Horry au début, à un moment il explique que lui il veut savoir, ne pas juger, comprendre. Donc voilà, c'est un postulat qu'on pourrait tous adopter, sauf que, évidemment, comme vient de le dire très justement Caroline Douki, le contrat n'est pas complètement rempli, je pense, parce qu'effectivement, il parle de lui-même. Alors maintenant, il écrit des choses étonnantes, par exemple, la vérité n'intéresse personne. Il écrit ce genre de choses. En même temps, l'historien n'est pas là pour dire la vérité, il est là pour dire peut-être une vérité. Il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée dans ce livre et d'autres qui m'ont profondément agacée, pour vous dire la vérité. Ce qui m'a intéressée, c'est que il raconte cette vie, enfin il va à la recherche de cette vie qu'il essayait de reconstituer, de ce très jeune homme mort à 19 ans, et c'est une mort pour rien, en gros. Pour rien, si ce n'est pour assurer à la mère de Manuel Mena une pension, qu'elle a effectivement, une fois qu'il est mort. Bon. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'enthousiasme pour quelque chose, qui écrit même, donc il cite les documents, etc. Et en même temps, il est mort pour rien dans ce gigantesque carnage qu'est la bataille de l'Ebre. En même temps, on voit bien quand même le travail de mensonge épique qu'on peut construire autour d'un tel personnage, c'est la mémoire familiale. Mmh. Donc un héros avec son uniforme blanc, regard clair, avec un air quand même avec son aide de camp qui vient. Voilà, exactement, avec l'aide de camp, etc. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette affaire, c'est effectivement le travail qu'il fait sur lui-même. Mais il y a des passages d'un ennui mortel quand il entrelarde sa quête de passages sur la guerre d'Espagne, et où là, on a le sentiment... Enfin, moi, personnellement, ça m'a un peu gênée, parce que il entrelarde cette quête de longs passages sur d'histoire, quoi, mais de fiches mal digérées. Alors, il y a un souffle à partir du dernier tiers du roman, et la fin est assez bouleversante, je trouve, hein, quand... Et là, il parle de lui, enfin, c'est évident. Mais il y a quelque chose de, peut-être... ficelé de manière approximative, parce que il veut être dedans tout en n'étant pas, mais en y étant quand même. Et donc c'est un point de vue qui est très très très difficile à adopter. Et je trouve que par rapport à son rapport à l'histoire, donc c'est un qui se présente comme le monarque, il est quand même un peu, il est à la fois ambitieux et égocentriste, et je vais vous faire la leçon, et il fait presque, on a l'impression parfois la leçon aux historiens, c'est-à-dire que alors il y a toute sa famille, il y a tous ses copains. Alors il fait, alors non mais c'est ça, et puis surtout bon, il fait appel à un historien local, mais il lui fait la leçon parce qu'il trouve le document d'archives qui va à l'encontre de ce que l'historien local lui apprend. Et puis, effectivement, il y a ces scènes de bataille mais qui sont longues et comme l'histoire bataille qu'on faisait d'antan, qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui et qui, finalement, ne servent à rien ni même à nous réintroduire peut-être dans ces moments de la guerre d'Espagne. Enfin, moi, j'ai pas compris tout à fait l'utilité. Il y a deux chapitres presque entièrement, qui consiste à retracer pas à pas les avancées, les reculs de cette fameuse bataille. Alors, je vous trouve tous et toutes extrêmement sévères. Comme d'habitude. Non, parce que c'est une œuvre. Pour moi, l'œuvre de Javier Cercas, c'est une œuvre qui se construit dans le temps. Et quand on a lu tous les romans de Javier Cercas sur l'histoire, je trouve que celui-ci est une sorte d'aboutissement assez parfait, à mon goût, de son travail de romancier d'histoire, depuis les soldats de Salamine jusqu'au monarque des ombres, parce que justement, cette façon de se poser en jouant de cette distance dont parlait Caroline Doucy tout à l'heure entre le narrateur et lui-même, d'une certaine façon, en disant, par exemple, dans ce roman, disant le grand-père de Javier Cercas, c'est-à-dire en choisissant, ou le père ou la mère de Javier Cercas, en choisissant de se mettre à l'écart, pourrait-on dire, de celui dont il parle, alors que c'est lui-même, je trouve que c'est assez époustouflant, et que ces scènes de bataille que vous critiquez assez justement, parce qu'elles sont assez, disons que c'est de l'histoire bataille assez classique, pourrait-on dire, sont nécessaires à la compréhension justement de son apprentissage de ce qu'a été la guerre d'Espagne. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour le narrateur de rentrer quasiment, comme d'ailleurs Stefan Hertmans dans Le cœur converti, de rentrer dans les lieux mêmes, à l'endroit même où ont vécu ceux dont il parle, et donc de refaire le chemin qu'a pu faire lors de la bataille de l'Ebre son grand-oncle pour pouvoir essayer de comprendre comment tel poste a été repris par les républicains, puis repris ensuite par les armées de Franco. Et je trouve que c'est assez parfait, mais j'entends tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Pascal Horry, puis Caroline Doucy. Assez parfait, je dis pas que c'est un oxymore, mais si non, mais c'est assez proche de la perfection. Je suis d'accord avec vous, Emmanuel, sur le fait que on appréciera d'autant plus ce livre qu'on a lu tous les Cercas avant, parce qu'on voit la continuité et le côté clé de voûte, y compris freudienne, c'est-à-dire enfin je vais parler de grand oncle, c'est-à-dire de ma mère. Voilà, je vais quand même parler là-dessus. D'un autre côté, moi je l'ai simplement ressenti par rapport aux autres Cercas. J'avais été ébloui par les premiers, et puis l'imposteur allait très très loin, on en a parlé ici. J'ai eu du mal à entrer quand même, personnellement, et je suis d'accord avec Isabelle, ça monte, et vers la fin, bon, évidemment, on a un Cercas qui nous entraîne, mais le démarrage est un peu... Caroline Doucy. Je suis d'accord avec Séverine Yattar et avec Isabelle Landonna, c'est-à-dire que moi je pense pas que ça soit une reconstitution parfaite, il faut quand même dire aux auditeurs que c'est pas d'une lecture simple, on a le récit fragmenté, éclaté, d'une trajectoire fragmentaire, hein, donc on est quand même dans le travail d'ostentation et d'ostentation parfois complaisante de l'apprentissage d'historien du narrateur auteur, je ne sais pas s'il s'agit de l'auteur ou du narrateur. Et puis après, il a une telle obsession de distinguer ce qu'il croit être la vérité toute formée de l'histoire de son imagination, qui nous impose quand même parfois, c'est sur 3-4 pages, un récit où chaque phrase commence par « il est probable que, il est possible que, on peut imaginer que, je ne cite que des formules que j'ai recopiées, hein. Il n'est pas impossible que, on peut raisonnablement penser que, etc. À la fin, c'est un procédé de déconstruction qui est tellement ostentatoire qu'il a, c'est difficile à lire, c'est un petit peu lassant. Et il en perd finalement son... Ouais. Isabelle Lelandonin, pour conclure, sur le Monarque des Ombres. Ce livre, par rapport au précédent, enfin, il y a vraiment un fil directeur dans notre table ronde aujourd'hui sur les folies meurtrières, en réalité. Ouais. Et c'est de ça aussi dont parlent ces livres, quand bien même les auteurs souhaiteraient parler peut-être d'autre chose. Mais pour conclure sur Javier Sacas, il y a des lignes magnifiques sur ça. Ma mère cherche à ma main, l'a pris et l'a mis sur ses genoux. Je sentis le contact de ses doigts déformés par l'arthrose, l'alliance toujours à son annulaire. Je sentis la douceur tachetée de sa peau et son parfum familier au milieu de l'odeur rance, de saleté et de renfermé de cette pièce. Je me demandais combien d'années il lui restait à vivre et ce que j'allais faire dans ma vie quand elle serait morte. Mais il y a aussi des phrases du type « comme si saisir le passé, c'était aussi difficile que saisir l'eau dans les mains ». C'est une espèce de métaphore comme ça. Et il en a de manière assez récurrente. À foison. Bon, nous quasiment pas... l'une des dernières phrases donne le secret pour... Bien sûr, mais c'est la dernière phrase, signal. Effectivement. Et c'est, ça m'a fait pleurer, moi, la dernière phrase, justement. J'ai trouvé ça magnifique. Javier Sacas, Le Monarque des Ombres, roman traduit de l'espagnol par Alexander Grujicic et avec la collaboration de Karine Louédon chez Actes Sud. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello, this is Ron Stallworth calling. Well, who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God! Last time I checked. What can I do you for? Well... Since you asked, I hate blacks. Un extrait de la bande-annonce du film de Spike Lee, le dernier film qui vient de sortir en salle, donc Black Klansman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan, qui raconte une histoire assez farfelue, mais véridique, tirée d'un fait divers réel, d'un policier noir infiltrant justement le Ku Klux Klan dans les années 70, une esthétique très particulière, très marquée par les séries télévisées américaines des années 1970, et... disons le plaisir, pourrait-on dire, d'une arnaque, mais d'une arnaque qui va dans le bon sens puisqu'elle va aller jusqu'à dénoncer et détruire une partie de cette organisation raciste américaine des années 70, tout en faisant le lien avec l'histoire d'aujourd'hui. C'est aussi cela qui est particulier dans ce film, Séverine Yatar, c'est que il n'oublie pas qu'il tourne en 2018. Alors, moi j'ai... était marqué aussi par parce qu'on en avait parlé dans une des tables rondes de fiction de l'influence et là il y a une scène présente dans le film de Birth of Nation. On avait parlé de ce film de Ned Parker sur la question de l'esclavage aux États-Unis, alors film qui pouvait être critiquable par ailleurs, mais en tous les cas qui partait de Naissance d'une nation, donc est un peu ce film culte ou rendu culte, premier grand film de l'histoire du cinéma américain, c'est comme ça qu'il est considéré. Voilà, de Griffith, mais dont Spike Lee dit dans une interview que au moment où il était en école de cinéma, les enseignants donc parlaient de ce film comme voilà le début du cinéma, un grand film. Mais par contre, lorsqu'il parlait de Leni Riefenstahl, il disait mais attention, Leni Riefenstahl par contre était nazi. Ce qui n'était pas du tout le cas dans la présentation qui était faite du film de Griffith. Alors qu'effectivement, donc, c'était pour partie un éloge du Ku Klux Klan. Évidemment, puisque ça m'a permis la renaissance du Ku Klux Klan. La preuve que le cinéma sert à quelque chose, c'est peut-être la seule. C'est la renaissance du Ku Klux Klan grâce à un film. Je ne suis pas sûr qu'on trouve d'autres exemples. Et donc, on voit d'ailleurs dans le film de Spike Lee donc, une scène où Naissance d'une Nation est visionnée par les membres, donc les suprémacistes blancs, les membres du Ku Klux Klan, et en parallèle racontée par un vieil homme militant, donc en fait c'est Harry Belafonte qui joue le rôle d'un vieil homme qui raconte le lynchage justement d'un jeune noir. Et donc il parle bien de l'histoire de l'Amérique et de ce racisme en fait qui habite cette nation. Caroline Dookie. Oh, c'est un film qu'il faut voir. C'est un film à la fois engagé hein, et qui se présente comme un film engagé. C'est un film où Spike Lee tourne en 2018 et cherche à reconsidérer toutes les questions et les alliances possibles aujourd'hui pour lutter contre la discrimination raciale et pour lutter contre l'actuel président des États-Unis. Donc c'est un film à la fois engagé et divertissant et instructif au plan historique, même s'il il donne une vision composé de l'histoire, puisqu'il y a quelques polémiques hein, aux États-Unis sur non pas le film de Spike Lee, mais les mémoires de ce policier afro-américain qui a infiltré le Ku Klux Klan, mais a aussi infiltré des mouvements noirs militants. Quoi. Voilà. Après, c'est 2h15 de cinéma qui nous emmène au rythme d'une bande-son formidable. On a entendu un extrait dans un tourbillon d'action, de suspense. Et en fait, il le fait à travers vraiment trois temporalités historiques. Il y a le temps du récit principal, les événements des années 1970, et il y a une très belle reconstitution des années 1970. Mais en fait, bien plus largement, il nous emmène à travers un siècle d'histoire des États-Unis, un siècle de préjudice et de combat pour la cause des Noirs aux États-Unis. Et puis, par ces multiples citations, naissance d'une nation, il y a aussi un extrait de Autant en emporte le vent, etc. C'est un film qui nous fait parcourir un siècle d'histoire du cinéma américain et qui nous rappelle quand même une chose, parce que ces remarques sur le cinéma américain, c'est pas seulement pour les cinéphiles, c'est pour rappeler que le cinéma aux États-Unis joue depuis un siècle et demi, enfin depuis le début du cinéma, un rôle crucial dans l'histoire du pays, mais aussi dans le fait de projeter pour tout le monde, y compris sous la forme du divertissement, des images racistes qui ont été des préjudices et des violences terribles pour une partie de la population. Et la troisième temporalité dont vous parlez, c'est évidemment le contemporain, puisque c'est aujourd'hui, ouais. Et les événements en particulier de Charlottesville. Pascal Horry, à propos de ce film Black Klansman de Spike Lee. L'intérêt de Spike Lee depuis le début, comme l'a dit Caroline Dukey, c'est qu'il est peut-être double, enfin il est même plusieurs fois double. C'est quand même un pur produit d'Hollywood, dans tous les cas des écoles de cinéma, c'est un showman. Il y a une séquence de comédie musicale dans ce film, avec la séquence dans la boîte de nuit. Et c'est assumé, évidemment. Et par ailleurs, c'est un militant, alors un militant dont la principal axe est la mise en valeur de la communauté africaine-américaine, hein, avec des oscillations quand on suit son œuvre. À mon avis, le chef-d'œuvre, c'était Do the Right Thing. Mm. C'était une sorte de tragédie antique à New York, je crois, au mois de juillet. C'était extraordinaire. Là, on peut dire qu'il s'est un peu relâché en cours de route, sur le plan peut-être stylistique, mais on éprouve effectivement un grand plaisir à suivre ça. Et je me suis demandé, alors très sincèrement, je ne sais pas si d'autres l'ont fait remarquer aux États-Unis, dans quelle mesure il ne parlait pas de lui. Parce que au fond, il se voit un peu à travers comme un infiltré. Un infiltré dans le système hollywoodien. Je pense qu'il y a quelque chose de très net là-dessus. Oui, Isabelle Lalanda. Alors moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai trouvé fort intéressant. Alors en même temps, j'étais un peu déstabilisée, mais c'est mon ignorance. Hein. J'ignorais complètement l'histoire de ce Ron Stallworth, mais qui n'est connu que depuis très peu de temps. On est beaucoup à l'avoir ignoré. Voilà. Ça me rassure. Ouais. C'est sorti en 2014. Oui, moi j'ai vu 2006, mais j'ai peut-être mal cherché. Les mémoires qui sont sorties en 2006. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé. Donc, peut-on dire à nos auditeurs que ça se passe à Colorado Springs, hein, c'est pas tout à fait. C'est pas New York. Anodin, voilà, exactement. Oui, mais c'est 500 000 habitants. Mais c'est quand même 500 000. C'est une bourgade. Hein. Non, c'est pas une bourgade, mais bon, voilà. En même temps. Oui, mais c'est l'Amérique profonde. C'est l'Amérique. Non, mais parce que les Français qui voient ça peuvent s'imaginer que c'est une petite bourgade. Du Colorado. Contrairement à New York, c'est l'Amérique profonde. Oui, c'est la ville dans le Colorado très, très profond. Alors, bon, moi, j'ai trouvé ça à la fois drôle, intéressant. J'ai été extrêmement sensible, effectivement, à cette construction. Qui est presque une leçon de cinéma en réalité dans sa manière de présenter les choses, et sans doute est-ce pour la raison qui vient d'être dite, à savoir que le cinéma est aussi quelque chose de très très important, qui a un rôle différent aux États-Unis par rapport à la France notamment. Mais dans cette affaire-là, je trouve que du point de vue de la manière dont il positionne les personnages blancs, c'est-à-dire les policiers avec lesquels ce jeune noir, qui est le premier policier afro-américain de Colorado Springs, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de subtilité. Peut-être que la réalité manque de subtilité. Sans doute. Mais du coup, on a un peu le sentiment, enfin bon, je l'ai vécu comme ça, peut-être me trompais-je, mais que finalement, heureusement qu'il y avait quelques policiers blancs pour venir aider à la cause afro-américaine, parce que, bon, ce qui est sans doute vrai, bien sûr, mais qui en même temps pollue un peu le propos, parce que on sait bien quand même que la police américaine n'est quand même pas à la pointe de la défense des droits civiques. Et un policier juif, ce qui n'est pas négligeable, parce que Spike Lee n'a pas toujours été très clair là-dessus. Oui, là, en l'occurrence, il est tout à fait clair. Effectivement, c'est l'unité de combat entre ce policier juif et ce policier afro-américain. C'est très, très drôle, quoi, cette infiltration. Deux remarques, il est tout à fait clair là-dessus, et il y a aussi une autre chose sur laquelle il est tout à fait clair, c'est le rôle des femmes. Le premier film de Spike Lee, c'est Nola Darling n'en fait à sa tête de 1986, qui est un film féministe, et là, il donne un rôle important aux femmes, il cite sans cesse Angela Davis, il y a un personnage féminin. Y compris les femmes du côté du Ku Klux Klan. Bah oui, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont... Et qui du coup est grasse et moche, je le signale. Et donc on voit aussi ce que Spike Lee cherche, c'est des alliances entre l'antiracisme, l'antimachisme, l'anti-homophobie, etc. Et la deuxième chose, oui, c'est une représentation avec des clichés, mais parce qu'il assume le côté film de divertissement. Oui, c'est une comédie burlesque. C'est une autocitation des grands films de la Blaxploitation des années 70 et peut-être aussi, par exemple, du rôle que pouvaient tenir les Noirs dans les grandes séries américaines comme Starsky et Hutch avec Guy les bons tuyaux. Dans l'hypothèse Je suis un infiltré, il y a quand même cette séquence incroyable dans un film même classiquement hollywoodien, d'un extrait assez long d'un discours de Stokely Carmichael. Et là, je pense que Spike Lee le fait exprès, il fait passer un discours éminemment politique et radical dans un film, un grand spectacle. Un coup de cœur de votre part, Pascal Horry ? Les mauvaises herbes chez Delcourt, encore une bande dessinée coréenne qui parle de la Seconde Guerre mondiale, qui parle des atrocités japonaises, mais c'est inimaginable, je veux dire, quand même, c'est très intéressant, à travers le destin d'une femme de réconfort, qui se retrouve, c'est extraordinaire, jusqu'en 1996 en Chine, par une série de déplacements qui font que elle revient dans son pays natal pour y mourir. C'est très beau, un superbe noir et blanc. Et c'est donc chez Delcourt. Chez Delcourt, et ça s'intitule Les mauvaises herbes, c'est ça? Oui. Alors nous avons parlé dans cette table ronde fiction première de cette année, de cette saison de la Fabrique de l'Histoire, du film de Spike Lee, BlacKkKlansman, sorti en salle il y a une quinzaine de jours, du roman de Stefan Hertmans, Le cœur converti, dans la collection Le monde entier chez Gallimard, et du roman de Javier Cercas, Le monarque des ombres, chez Actes Sud. Sachez que Javier Cercas sera demain l'invité du temps des écrivains, de l'histoire, oui, mais avec ou sans fiction. C'est donc demain sur France Culture. Javier Cercas sera en compagnie de Clara Dupont-Monod et d'Adrien Bosque. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Paris Soir, 27 décembre 1938. Dernière nouvelle des spectacles. De notre envoyé spécial permanent, New York, 26 décembre. De sources proches de Chaplin et pleinement autorisées, on m'informe que le film Dictateur se situera dans un royaume mythique. Chaplin jouera deux rôles, celui du dictateur et celui de l'humble citoyen perdu dans un camp de concentration. La plupart des scènes auront lieu dans un camp de concentration, la victime étant mise plus en lumière que le dictateur. Le film n'est nullement dirigé ouvertement contre Hitler, bien que sa ressemblance avec Chaplin-Hitler rende le rapprochement inévitable, me dit-on. Après tout, poursuit notre informateur, Charlot n'a pas besoin de se déguiser pour ressembler à Hitler. Sa personnalité existe depuis 1913. C'est Hitler qui ressemble à Charlot. Dans le film projeté, le dictateur ne débutera pas nécessairement comme peintre en bâtiment, mais exercera un métier humble quelconque, par exemple tailleur en chambre ou balayeur des rues. Ces détails ne sont pas encore fixés, car Chaplin refait continuellement son scénario tout en tournant ses films. Mais les bases fondamentales du dictateur sont celles indiquées ci-dessus. Un ami intime de Chaplin dément par ailleurs que ce film ait plus de signification politique que les précédents. Les temps modernes, selon Chaplin, étaient, nous dit-il, un simple divertissement, bien qu'on évite une satire politique. De même, le dictateur prendra un thème familier à tous, mais Chaplin niera toute intention politique. Néanmoins, toute l'action, étant la description de la vie d'un camp de concentration, représentera les efforts des opprimés pour s'exprimer, bien qu'écrasés par le talon du dictateur. Les allégations allemandes selon lesquelles le secrétaire à l'intérieur Ickes aurait inspiré ce film sont ridicules. Chaplin fait ce film comme tous ses précédents et sans écouter d'autre voix que celle du public, qui jusqu'à présent lui donna toujours raison. Les protestations allemandes n'intéressent pas Chaplin, ses films étant déjà interdits en Allemagne et en Italie. La Tchécoslovaquie annonce déjà qu'elle interdira tous les films futurs de Chaplin. Il se peut que le titre « dictateur » ne soit pas définitif, pour diverses raisons, entre autres son identité avec la pièce de Jules Romain, « Le dictateur ». H.J. Salemson. Voilà pour conclure cette émission du vendredi, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Notre rubrique c'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Aujourd'hui, c'était la lecture par Elsa Dupuis d'un article de 1938, 27 décembre 1938 de Paris Soir à propos de la sortie d'un film. Nous étions dans une table ronde fiction aujourd'hui, le film de Charlie Chaplin sur le dictateur. L'histoire continuera sur France Culture pendant le week-end, comme tous les week-ends. Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet. Demain à 10h, il reçoit Robert Kopp pour parler du prix Nobel, l'étrange naufrage, et on parlera également d'histoire avec Vincent Charpentier, c'est dimanche 20h30, 21h, Carbone 14, Bibracte du haut de cette colline, 25 siècles nous contemplent avec Vincent Guichard et avec Pierre Nouvel, c'est sur France Culture pendant ce week-end, et je vous rappelle également qu'à propos de littérature d'histoire, eh bien l'émission Le Temps des Écrivains traitera de l'histoire, oui, mais avec ou sans fiction, avec Javier Cercas, Clara Dupont-Monod et Adrien Bosque, trois romans de la rentrée littéraire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet. Jean Guilamèche nous a accompagnés à la technique et Marie-Laure Ciboulet était avec nous à la réalisation de cette semaine. La semaine prochaine, eh bien, nous traiterons de figures de l'internationalisme et nous recevrons lundi l'historien Nicolas Offenchat à propos de son dernier livre sur la RDA, un pays disparu. Et puis vous avez été très nombreux à réagir à notre série sur la guerre de 30 ans. Nous parlions en particulier de la destruction d'une ville, c'était la ville de La Motte, dans le documentaire d'hier à la frontière de la Lorraine. Et bien sachez qu'il y a un grand colloque qui va se tenir à Nanterre la semaine prochaine, le 12 et le 13 septembre, sur les urbicides, justement, la mort et la destruction des villes. Et ils recevront entre autres Émilie Dosquet qui a été une de nos invitées de cette semaine sur la guerre de 30 ans.